Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la guerre des bourgs en Afrique du Sud. La guerre anglo-boer était toujours un point de repère pour les Afrikaners en Afrique du Sud parce qu'ils se sont vus en tant que victimes de cette guerre dans laquelle presque 28 000 femmes et enfants sont morts dans les camps de concentration. L'historien Patrick Harris rappelle à l'émission Sans frontières en 1999 à quel point la guerre des bourgs a marqué les esprits en Afrique du Sud, particulièrement du côté des Afrikaners, ces colons d'origine européenne venus s'y installer dès le 17e siècle. Cette guerre des bourgs sera essentiellement une guerre entre blancs, les Britanniques d'un côté et les bourgs Afrikaners de l'autre, ce qui ne l'empêchera toutefois pas de faire de très nombreuses victimes dans la population noire du pays. Votre bateau roule et tangue toujours autant? Vous savez, un cargo, c'est un cargo. Avec cette maudite guerre, il faut y prendre des semaines à l'avance pour réserver sur un paquebot allant au Cap. La guerre a toujours fait marcher le commerce, monsieur. Oui, alors là, nous sommes d'accord. Malheureusement, je crains qu'elle ne dure plus très longtemps. Et pourquoi donc, s'il vous plaît? Les Anglais sont des gens qui savent compter. Cette guerre leur revient trop cher. Il faut voir aussi ce qu'elle peut leur rapporter. De l'or, le véritable enjeu. C'est tout l'or du Transvaal, les mines les plus riches du monde. Je suis sûr que la vie de quelques milliers de soldats pèse peu face à toute cette richesse. Pour le moment, militairement, ce sont les bourgs qui ont l'initiative. Ils assiègent Mafeking, Kimberley et Ladysmith. C'est vrai, commandant, mais les Anglais tiennent bon. Ils reçoivent tous les jours des renforts. Et à la longue, que pourra bien faire un petit peuple de paysans contre l'immense empire britannique? Extrait de la télésérie « Pour tout l'or du Transvaal » réalisée par Claude Boissol en 1999. Pour nous raconter cette guerre des bourgs à laquelle a participé le Canada, mon invité est Carl Bouchard, collaborateur régulier de l'émission, professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. La guerre des bourgs est un peu, il faut le dire quand même, puis on y a participé, mais elle est un peu connue chez nous, mais ça reste fondamentalement une de ces guerres oubliées. Carl Bouchard, pourquoi? Oui, c'est une guerre effectivement qui est présente un peu dans les manuels. Tout le monde en a déjà un petit peu entendu parler ou connaît l'expression. Elle est peu connue parce qu'elle souffre depuis quelques années de la force de la Première Guerre mondiale déjà. On a un peu oublié parce qu'on parle plus de la Première Guerre mondiale. C'est une guerre aussi impériale. C'est une guerre où il y a eu des atrocités. C'est une guerre où l'Empire n'a pas forcément beau rôle et on préfère un peu oublier ces épisodes un peu tristes de notre histoire. Je pense qu'on a aussi progressé par rapport à cette idée impériale, cette idée de colonisation. Donc, on se reconnaît plus trop dans cette guerre. Exactement. C'est un peu une guerre d'un siècle passé, mais c'est quand même celle qui inaugure le 20e siècle. Et puis c'est compliqué, il faut le dire, c'est loin. on va prendre le temps Il y a des guerres des bourgs, plus qu'une guerre des bourgs. C'est des endroits qu'on ne connaît pas nécessairement. Ça aide pas, en fait. Effectivement, savoir où est le Transvaal par rapport au Natal et l'Orange, la République d'Orange, et tout ça est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'événements. Et puis, effectivement, on est dans un autre continent avec des repères qui ne sont pas les nôtres. Donc, effectivement, juste en préparant l'émission, on voit à quel point il faut, disons, nettoyer un peu tout l'événement pour être capable de donner un sens un peu à cette conflit. Alors, commençons ce nettoyage, peut-être en expliquant, en rappelant, dans certains cas aux auditeurs, qui sont les bourgs. Oui, ben déjà, les bourgs, on parle aujourd'hui de bourgs davantage que Boer. Donc, déjà, il y a une différence ici. Donc, pour ceux qui écoutent l'émission, on saura que c'est bourg. Sont les mêmes. C'est vrai que ça a changé, ça. En terminologie, l'usage fait loi. Puis, il y a des évolutions, j'allais dire, il y a des modes. Mais c'est vrai qu'on a. Gamin, moi, on parlait de la guerre des Boers. Mais c'est. On est arrivé au bourg. Donc, un peu plus allongé. Puis, on l'entend aussi, je pense que c'est une contamination de l'anglais qui utilise Boer. Donc, on est resté là-dessus. Alors, déjà, il faut comprendre que. Les bourgs ne sont pas, ça ne représente pas l'ensemble des colons d'Afrique du Sud. Il y a une distinction à faire entre les Afrikaners, qui sont les colons blancs d'Afrique du Sud, qui ne sont pas d'origine britannique, donc ils ne parlent pas anglais, qui sont plutôt de descendants hollandais, mais il y a aussi des Français, des Russes qui se sont joints à ce groupe. Et les bourgs qui sont en hollandais ou en afrikaans, ce qui est la langue des Afrikaners, qui veut dire fermier. Donc il y a déjà cette distinction et culturellement, culturellement, un industriel de la région du Cap, par exemple, qui peut parler afrikaans, ouais, ne se revendiquera jamais de l'identité boer. Parce que non paysan. Parce que non paysan. Est-ce qu'en revanche, tous les Européens, tous les Afrikaners qui sont paysans entrent dans cette catégorie des boers? Ils se regroupent un peu sous cette catégorie, ouais, effectivement, des boers. Et puis, c'est aussi un critère presque identitaire. Donc, il y a aussi, ouais, une revendication derrière ce qualificatif. Et d'ailleurs, ils développent leur petite république de manière assez autonome, hein, par rapport au pays d'où ils viennent. Oui, absolument. C'est des gens qui arrivent au milieu du 17e siècle, qui s'installe autour de la région du Cap, et puis commence peu à peu à coloniser. Et il se distancie assez rapidement. Déjà, à partir du début du 18e siècle, il y a un développement un peu autonome, sans rapport avec la métropole. Et ça contribue aussi à cette identité boer très, très fière. Et aussi, dans une certaine mesure, guerrière. Ce sont des calvinistes. Ils développent tout un discours aussi sur l'idée du peuple élu, qui est là pour coloniser, pour civiliser. Ouais. Comme on le faisait dans les siècles passés, le continent africain. Alors, qu'est-ce que les Britanniques viennent faire dans cette galère, Karl Bouchard? c'est eux qui vont s'opposer, qui vont faire la guerre à ces bourgs. Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui intéresse l'Empire britannique dans l'Afrique du Sud? Qu'est-ce que ça représente, ce pays, pour eux? Oui, bien, il y a deux dimensions là-dedans. Déjà, au 19e siècle, l'Empire britannique, c'est la fierté du peuple britannique, donc cet empire qui se déploie sur l'ensemble de la planète. Et à partir de la fin du 19e siècle, il y a une course aux colonies des puissances africaines, des puissances européennes, qui accélère un peu ce mouvement de colonisation. Mais déjà, les Britanniques sont présents à la colonie du Cap au début du 19e siècle. Donc, ils, ouais, commencent déjà à s'installer dans ce coin-là. Et le rêve impérial britannique, en Afrique, à tout le moins, c'est l'idée d'unifier le continent sous l'influence britannique. Mm-hmm. Et en particulier, il y a une phrase qui circule beaucoup à l'époque, c'est d'unifier, d'avoir une Afrique du Cap au Caire. Donc, de l'Égypte, qui est contrôlée officieusement par les Britanniques, ça deviendra protectorat au début du 20e siècle, de l'Égypte, du Caire, mm-hmm, jusqu'au Cap. Mm-hmm. Et on va, par exemple, travailler beaucoup sur la création d'un réseau télégraphique, de réseau de chemin de fer. Et le Cap, évidemment, en ce sens-là, a son importance. L'autre importance, c'est que, et on l'a vu dans l'extrait, c'est une région remplie d'or. Ouais. Et donc, ça convoitise évidemment pour les Britanniques. Même chose pour les Allemands qui vont aussi être intéressés par cette région. Ouais. L'or dans un premier temps, puis viendront un peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard, les diamants. Les diamants, exactement. Ouais. Quand on parle de la guerre des Boers, je le soulignais un peu plus tôt, en fait, il y a cette fameuse guerre dont on parle tout le temps entre 1899 et 1902 qui va occuper le gros de cette émission, mais ça commence avant. On pourrait parler des guerres des Boers. Ça commence quoi? Autour de 1894? Les premiers affrontements. Oui, tout à fait. Il y a effectivement deux guerres officielles. Donc, celle dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la Seconde Guerre des Boers, mais les escarmouches sont tout à fait courantes au 19e siècle. L'installation des Britanniques déjà dans la colonie du Cap à partir du début du 19e siècle pousse une partie des fermiers à quitter déjà cet espace. C'est ce qu'on va appeler le Grand Trek. C'est rentré dans la mythologie des Boers, des milliers de fermiers qui vont quitter et qui vont aller s'installer dans d'autres terres qui étaient des terres possédées par les tribus autochtones, les tribus noires. Et donc, il y aura beaucoup de conflits déjà avec les tribus noires. Et on va s'installer à partir de ce moment-là. Et peu à peu, les Britanniques, eux, vont prendre de l'expansion. Par exemple, à partir de 1850, par exemple, la colonie du Natal, qui va être une colonie britannique, eh bien, double de superficie. Et donc, chaque fois que les Britanniques arrivent et prennent de l'expansion, bien, ce sont les boers qui se déplacent. Donc, ce grand trek déjà autour du milieu du 19e siècle. Et puis, la première guerre des boers, c'est 1881, une première guerre qui sera gagnée par les Boers et qui va mener à l'indépendance donc de deux régions, la colonie d'Orange et celle du Transvaal. Ouais. Donc deux régions Boers. La guerre se termine par une défaite des Britanniques. Donc déjà, c'est un premier affront des Britanniques. Il y aura un autre moment assez important qu'on va appeler le raid de Jameson, qui est en 1895-1896, et là qui est tout à fait inscrit, comme on le disait tout à l'heure, dans cet appétit pour l'or, oui, et pour les diamants. La plupart des auditeurs ont sans doute déjà entendu parler de Cecil Rhodes, le grand homme politique, explorateur, financier, industriel britannique. Cecil Rhodes a littéralement monté un coup d'État à la fin du 19e siècle pour essayer de prendre possession de la République du Transvaal en essayant en prétextant donc qu'il allait protéger les travailleurs étrangers dans les mines du Transvaal. Mais son objectif, c'était tout simplement de renverser le gouvernement. Or, ce raid et ses 500 policiers, en fait, la police privée de Cecil Rhodes qui traverse au Transvaal, ce raid est un échec. Mais ça montre que les tensions augmentent entre les deux peuples. Et le début de la guerre des Bourgs, de la deuxième guerre des Bourgs en 1899, est un petit peu le prolongement. C'est-à-dire que ça va très mal. Ça commence très, très mal pour les Britanniques, cette fameuse guerre en 1899. En effet, les colonnes anglaises qui ont été envoyées au secours des villes encerclées sont partout assaillies par les commandos boers. La fière armée anglaise, qui manœuvre comme à la parade, croit qu'elle ne fera qu'une bouchée de ces hordes de paysans. Elle va vite déchanter. Les vieux généraux anglais font donner le canon, puis la cavalerie, comme à Waterloo, comme en Crimée. Mais ce n'est pas une guerre comme les autres. Ces diables de Boers ne respectent pas les règles de l'art. Et chaque fois, la cavalerie de Sa Majesté tombe dans les pièges que lui tendent les hommes de la brousse. 3000 morts et un général anglais tué en une semaine. Stormberg, Magersfontein, Colenso, autant de défaites cruelles pour les Anglais. Les Boers sont alors persuadés qu'ils tiennent la victoire. Grâce à la TSF, les tristes nouvelles de la semaine noire parviennent à Londres dans la journée. Pour la première fois, l'opinion publique est mêlée à la guerre. C'est la consternation. Alors la propagande se raccroche aux rares informations qui ne soient pas désastreuses. Un jeune correspondant de guerre de 25 ans, enfant terrible de la haute société de Londres et qui s'appelle Winston Churchill, a été fait prisonnier par les Boers. Il réussit à s'évader et la presse en fait aussitôt un héros. Extrait de la série documentaire Les grandes batailles du passé, l'épisode consacré à la bataille ou au siège de Mafeking, diffusé en décembre 1974, cet épisode. Ça commence donc très, très mal. On entendait dans l'extrait, Carl Bouchard, on va même parler d'une semaine noire. Ce sera le terme officiel qui fera histoire pour décrire ce début difficile. Catastrophique, effectivement. Alors, l'extrait parlait de cette fière armée britannique contre les diables bourgs. Ouais. Mais en fait, c'est un peu le sentiment des Britanniques. C'est-à-dire que c'est une guerre asymétrique. Là, on a l'Empire, au départ, pas l'Empire, parce qu'il n'y aura pas de troupes impériales dans un premier temps, dans les premiers mois, mais c'est quand même la Grande-Bretagne, cette grande civilisation qui regarde de haut ces quelques fermiers, mais c'est des fermiers, effectivement, aguerris, qui connaissent le terrain, qui ont l'habitude de se battre et qui, effectivement, surprennent les Britanniques. Donc, dans les premiers mois de la guerre, la guerre commence à l'automne 1899, dans les premiers mois, c'est défaite sur défaite, en fait. Et ce qui sauve les Britanniques, paradoxalement, c'est que les Bourgs attaquent très peu. Ils ne profitent pas, en fait, des victoires pour avancer et se tiennent dans des positions de défensive. Ce qui fait que, malgré les défaites, il n'y a pas énormément de gains territoriaux de la part des Bourgs. En fait, pas de gains territoriaux, mais c'est ce qui va occasionner aussi la réaction des Britanniques à partir de l'hiver 1900. Et qui veut dire beaucoup, beaucoup d'hommes. On voit d'énormément d'hommes et ça va finir par porter fruit. Pour revenir à l'extrait qu'on entendait, on parle du jeune Churchill qui réussit à s'évader, qui devient un héros. Mais c'est défaite à succession au tout début. C'est vécu comment, cette guerre-là, en Grande-Bretagne? Oui, c'est vécu, l'extrait le raconte bien. Et c'est très intéressant aussi parce que ça montre aussi l'impact de la technologie dans le développement de l'opinion publique. Effectivement, les nouvelles arrivent très rapidement. C'est perçu comme étant... d'une part, une véritable catastrophe, un affront à la fierté nationale, mais ça montre aussi assez rapidement les divisions au sein de la classe politique britannique. Le gouvernement conservateur va être extrêmement critiqué par les libéraux qui disent qu'est-ce qu'on fait dans cette guerre? Et puis, évidemment, l'opinion publique peut contester l'enjeu, mais en même temps, aimerait bien que l'Empire connaisse la victoire. Donc, c'est ce qui va provoquer aussi l'arrivée, l'afflux de nouveaux soldats. Donc, dès janvier, il y a 3 nouvelles divisions qui débarquent, et là, on commence à augmenter le nombre de soldats et ça devient... Et dans toute cette guerre, il y aura quand même 750 000 soldats britanniques de l'Empire, en fait, qui vont débarquer en Afrique du Sud. Et ça va marcher. Donc, les Britanniques vont finir par reprendre le dessus. Il y a une première charnière en septembre 1900. Les Bourgs rendent officiellement les armes, sauf que dans les faits, c'est pas terminé, ça va s'aggraver d'une certaine manière. Ça s'aggrave. En fait, il y a la fin du conflit, en fait, l'arrêt des combats, disons, de façon officielle à partir de septembre. Donc, disons, à partir de l'hiver, les Britanniques recommencent à prendre l'ascendant. On va prendre Pretoria, une des capitales des colonies bourgs, et puis ensuite Johannesburg, par exemple. Donc, on finit par prendre les villes importantes, et puis les principaux commandants bourgs vont déposer les armes à partir de septembre. septembre, mais c'est là qu'on entre dans cette nouvelle phase, c'est qu'il y a certains commandants, certains officiers qui ne voudront pas accepter la défaite britannique et qui vont plutôt développer une stratégie de guérilla, de raid, d'escarmouche pour harceler, en fait, les Britanniques. Là, ça va jouer très, très dur. Ça va être très violent. Ça devient, en fait, l'escalade de la violence. Ouais. Donc, de plus en plus, cette politique de harcèlement dérange l'opinion publique des Britanniques. Et puis, peu à peu, les Britanniques répondent par des actions guerrières de plus en plus radicales. Et là, on entre dans les atrocités. Les Britanniques, notamment dirigés à partir de ce moment-là par Lord Kitchener, dont on entendra parler plus tard dans la Première Guerre mondiale, eh bien, Kitchener va adopter cette politique de radicale dans la guerre. On brûle. On casse la rébellion, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de réduire la résistance boer. Et ça passera par des incendies de fermes, l'abattage du bétail systématique, on va brûler les récoltes et on va aussi, et ça restera comme une tâche dans cette guerre, on va créer une quarantaine de camps, qu'on va appeler à l'époque des camps de concentration, pour installer des résistants boers et aussi la population noire. Et c'est ça, en fait, la grande honte de cette guerre. Aussi la population noire, dites-vous, c'est intéressant parce qu'effectivement, cette guerre, qui en principe est une guerre entre blancs, va quand même toucher les noirs. Ça va devenir, d'une certaine manière, les noirs seront victimes en partie de cette guerre, mais vont participer aussi à cette guerre. Il y aura une utilisation ethnique, si je puis dire, des Britanniques dans cette guerre des bourgs. On écoute à ce propos à nouveau celui qu'on entendait au tout début de l'émission, l'historien Patrick Harris de l'Université du Cap à l'émission Sans frontières en 1999. Les historiens sud-africains ont découvert il y a 20 ans, il y a 25 ans, qu'il y avait beaucoup de Noirs impliqués dans cette guerre des deux côtés, surtout du côté des Britanniques, parce que les Britanniques ont promis beaucoup de bénéfices aux Noirs après la fin de la guerre. Et puis, il y avait beaucoup de Noirs, il faut dire, qui ont saisi cette opportunité pour reprendre leur terrain qui était pris par les boers. Alors, quel rôle ils vont jouer, les Noirs, dans cette guerre des boers, Carl Bouchard? Déjà, il faut quand même le dire, parce qu'on n'en a pas parlé très peu depuis le début. Ils représentent quand même entre 75 et 80 % de la population de ces régions. Donc, ils sont très présents par défaut, et ils sont victimes aussi par défaut. Donc, un rôle qui est à la fois celui de l'action militaire, puis aussi de celui de victime. Alors, certains vont effectivement prendre des armes. C'est le cas, par exemple, de certaines populations noires qui ont combattu les boers et qui vont passer du côté des Britanniques. C'est une façon pour eux de, dans une certaine mesure, de reprendre effectivement possession des terres. Les Britanniques, de leur côté, ça c'est très typique aussi des actions guerrières, vont leur promettre des terres, vont leur promettre une certaine liberté, une certaine émancipation. Et de l'autre côté, eh bien, on aura ces victimes parce que la politique britannique, c'est aussi une politique donc, de terres brûlées et on va les parquer pour les protéger. Il y en a très peu qui vont prendre des armes. En fait. Même Gandhi, qui est en Afrique du Sud à ce moment-là, parce que c'est un pays arc-en-ciel. Il y a des Noirs, mais il y a aussi des Indiens. Voilà. Gandhi va prendre parti pour les Britanniques. Gandhi est en Afrique du Sud à l'époque. Il va être brancardier pour l'armée britannique. Ouais. Et puis, il va souhaiter la victoire des Britanniques. Donc, il n'est pas dans sa politique de non-violence encore. Victoire qui arrivera en 1902 avec un accord de paix officiellement signé cette année-là. Qu'est-ce que prévoit en quelques secondes cet accord-là? Oui, mais cet accord de paix, il est assez significatif parce qu'il montre aussi que malgré la victoire britannique, l'opinion publique a son importance. Donc, c'est un traité qui est assez modéré, qui va, par exemple, compenser pour toutes les terres brûlées, les bourgs, et qui va mener en fait à une intégration des colonies bourgs dans un ensemble britannique. Et ça, c'est une paix qui est signée en 1902. Et huit ans plus tard, eh bien, on aura la création du Dominion d'Afrique du Sud avec justement cette autogouvernance, d'une certaine mesure, des régions bourgs dans l'ensemble britannique. Donc, ça se termine dans une certaine mesure, relativement bien, même si les tensions vont demeurer, notamment au début de la Première Guerre mondiale, des bourgs vont se soulever, profitant justement de la guerre pour essayer d'accroître leur pouvoir. Alors, on n'a pas encore parlé de cette fameuse participation canadienne à la guerre des bourgs. On va terminer l'émission là-dessus. Ça va, il faut le dire tout de suite, cette participation canadienne, décidée par le premier ministre de l'époque, Wilfrid Laurier, ça va provoquer grand bruit chez nous. Un vif débat politique va s'en suivre. Henri Bourassa, entre autres, fondateur du Devoir, va démissionner de son poste à la Chambre des communes pour contester la décision de Wilfrid Laurier. On écoute l'historien Réal Bélanger décrire la joute politique à laquelle on va assister autour de cette participation du Canada à la guerre des bourgs, extrait de l'émission Au fil du temps, animée par André Champagne en 1992. Laurier va se comporter encore là en homme politique réaliste, misant sur son fameux système du compromis. D'un côté, il a les Canadiens anglais impérialistes qui se disent aussi nationalistes. Eux croient, somme toute, que le Canada un jour deviendra une nation en autant où il se liera davantage à l'Empire. Ce que demandent l'Angleterre et Joseph Chamberlain, cette fédération impériale, à la fois militaire, à la fois économique, elle reste politique aussi, eh bien, il faut, en fait, l'accepter. Et plus on sera collé à cette notion-là de fédération impériale, plus le Canada deviendra fort et un jour deviendra nation. D'autres ici autour d'Henri Bourassa, qui commencent à poindre, je dirais, dans l'horizon politique canadien, d'autres croient au contraire que le Canada doit prendre progressivement ses distances face à l'Angleterre. Ils disent « Arrêtez, ne faites pas ça. Si on s'inscrit dans l'impérialisme britannique, un jour on sera obligé de participer à toutes les guerres de l'Empire. » Laurier, lui, développe un nationalisme qui est entre ces deux extrêmes-là, plus centriste. Il dit « Écoute, moi aussi, je veux un jour obtenir l'indépendance du Canada. Je crois à l'indépendance du Canada qui sera un membre d'un certain Commonwealth britannique. Je crois donc à Sa Majesté aussi. » Autrement dit. Mais je crois à un Canada qui doit résister à l'impérialisme britannique, à un Canada plus continentaliste, plus sur le continent nord-américain, et un Canada qui, un jour, deviendra une nation au moment opportun. Alors, qu'est-ce qu'elle représentera, cette guerre des bourgs, du point de vue canadien, Carl Bouchard, en termes de participation, puis on vient de l'entendre, mais en termes de débat public? Oui, de débat. Ce qui est intéressant, c'est que cette question internationale devient un enjeu national. Oui. Donc, et c'est comme ça aussi que se développent les identités des nations à travers leur rapport à l'étranger. Et donc, je pense que Réal Bélanger l'a bien souligné. Quelle est la participation réelle? Lorsque l'Angleterre entre en guerre, officiellement, le Canada entre en guerre, pas officiellement, mais par défaut, le Canada entre en guerre, c'est un dominion. Donc, la question de la participation, elle ne se pose pas. Après, c'est le niveau de la participation. Et là, effectivement, cette tension entre Laurier, entre des membres de son cabinet aussi, qui hésitent sur le rôle à jouer, et puis Bourassa, qui, lui, en profite pour dire « Non, ça n'a aucun sens. » C'est là qu'on doit se positionner. Mmh. En tout, il y aura autour de 7000 à peu près soldats qui vont partir combattre. C'est du volontariat, c'est des gens qui partent. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que ce sont les premiers qui porteront une uniforme canadien. Donc, c'est aussi un symbole de l'identité canadienne qui se crée à travers cette épopée guerrière au nom de l'Empire et au nom de la préservation, de la loyauté envers l'Empire britannique. Mais c'est ça que contestent les Bourassa et autres. Absolument. C'est qu'on envoie nos fils se faire tuer au nom de cet Empire britannique. Voilà. Et c'est dans le fond un nationalisme canadien que représente Bourassa. Ouais. Et c'est intéressant ce glissement aussi. Bourassa qui va devenir un représentant du nationalisme canadien-français, mais là, Bourassa est un représentant d'une vision nationale du Canada séparée de l'Empire britannique. Et c'est ce qui, au fond, déjà prépare ce qui s'en viendra avec la crise de la conscription. Premier grand affrontement entre le Canada français et le Canada anglais. Absolument. Ça montre justement certaines divisions qui vont réapparaître par la suite au 20e siècle. Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Carl. Avec plaisir. Merci également à Marie Caillé à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Mario Bolduc, recherche d'archives Sophie Gibson, site internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.